En ce jour de la commémoration des fidèles défunts, il me revient à la mémoire l'apparition d'un livre d'une sociologue montréalaise il y a quelques années qui s'intitule « La société post-mortem ». Je crois que c'est un jeu de mots qu'elle faisait par rapport à la société post-moderne. Je ne sais pas si vous êtes au courant ce que c'est la société post-moderne. C'est la société après la modernité. La modernité, elle est venue avec le siècle des Lumières, notamment, où l'homme s'est comme enhardi de sa raison et il a pensé qu'il n'avait plus besoin de la religion, mais qu'en se libérant des mythes et des croyances, il allait créer une société prospère, juste et d'abondance. Malheureusement, le XXe siècle a été un peu le siècle de la mort de cette utopie, avec le marxisme scientifique qui a ravagé l'Europe, ainsi que le fascisme au nom de la raison, a fait des choses effrayantes. La société postmoderne, c'est la société de la désillusion de la raison et de la religion, et où chacun est renvoyé, au fond, à sa solitude. Il n'y a plus de vérité transcendante, chacun son truc. Débrouille-toi, et si tu sens que c'est vrai, ça doit être vrai, même si celui qui est à côté pense différemment. Mais la société post-mortem, c'est encore autre chose. C'est une société qui a plus d'autre horizon que l'horizon terrestre, qui n'a plus d'espérance au-delà de la mort. Autrement dit, la vie est quelque chose, j'allais dire un produit jetable, qui est meilleur avant telle date, avec notre espérance de vie. Donc, il s'agit de vivre le plus intensément possible cette vie. Je me rappelle d'une jeune fille qui s'est convertie, qui, avant sa conversion, disait « Ben moi, j'avais compris que la vie, il fallait avoir le plus de fun possible, puis un jour, on meurt. » Puis voilà. C'est ce que son éducation, l'école, lui avait transmis comme vision du monde, jusqu'à ce qu'elle découvre le christianisme, la vérité. Toute une autre vision, un peu plus riche quand même. Donc, c'est un peu dans ce paradigme, dans cet état d'esprit que se trouve notre société. Plus d'autre horizon que cette vie terrestre, donc pourquoi souffrir? Pourquoi même vieillir quand on est plus beau, performant, brillant? Et c'est comme ça que des idées comme l'euthanasie, le suicide assisté avancent, parce que, voilà, la souffrance n'a plus de sens rédemptrice. Et puis, pourquoi aller mourir à la guerre pour une noble cause? Pourquoi je ferais ça? J'ai qu'une vie à vivre, je vais la garder. Vous voyez? Une espèce de recroquevillement de l'homme sur lui-même qui amène bien à une société de solitude et de tristesse profondément. Mais non, Saint Paul le dit, le Christ est ressuscité des morts. En fait, au début de l'Église, c'était l'unique prédication. Qu'est-ce que les premiers chrétiens prêchaient? Paul, on le voit, Pierre, le Christ est ressuscité. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, la résurrection est un fait historique, non pas dans l'acte même de la résurrection, mais l'Écriture nous dit que des témoins ont mangé et bu avec lui après sa résurrection et qu'il est apparu à plusieurs frères et même des centaines à la fois avant de monter au ciel. On peut ne pas croire à ce témoignage, mais vous savez, la plupart des choses qu'on connaît, même au plan scientifique et culturel, nous viennent de témoignages. Donc si on met en doute le témoignage, systématiquement, on ne sait plus grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qu'on a validé nous-mêmes en termes de connaissances, je dis ça en passant. Donc, il y a ce témoignage historique sur la résurrection du Christ, mais nous allons le voir plus loin aussi, il y a ce témoignage intérieur que nous donne l'Esprit-Saint quand notre vie recommence dans la grâce de Dieu, dans sa miséricorde. Mais on pourrait se demander, au fond, qu'est-ce que c'est la résurrection? Pour parler d'abord de la résurrection, il faudrait savoir qu'est-ce que la mort. Je vous invite, si vous avez le temps, à lire dans le Catéchisme de l'Église catholique la première grande partie qui est un commentaire du Credo, l'article qui déploie, explicite, « Je crois en la résurrection des morts ». Et il y a des articles qui sont vraiment lumineux. La mort, donc, est une séparation de l'âme et du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, avant, je pensais que l'âme, c'était quelque chose qui était dans mon corps comme le vin dans la bouteille, vous savez. En fait, j'avais un peu une vision cartésienne. Je pensais que j'avais d'un côté mon âme, qui était une affaire très spirituelle, de l'autre côté mon corps, qui était une espèce de machine, qui au fond fonctionnait un peu tout seul, puis qui avait quelques connexions entre les deux, qui fait que quand je dis à mon bras de se lever, ben il se lève. Mais on est tous pognés un peu avec cette vision cartésienne, qui coupe en fait les choses en deux. Mais notre âme, c'est tout ce qui nous anime, du point de vue biologique, végétatif, sensible, moteur, mais aussi ce qui anime notre conscience. Le fait que je dise « moi Martin, depuis 53 ans, j'ai cette expérience intérieure de mon sujet, que je suis ce que je ne suis pas un autre, c'est mon âme dans sa dimension spirituelle qui me donne cette conscience. Le fait que des fois je sens que quelque chose est mal et que quelque chose est bien, que je décide le bien, je rejette le mal, que je me décide pour un bien, que je me meus vers quelque chose que j'aime, c'est mon âme qui fait ça dans sa dimension spirituelle. Donc il y a quelque chose dans mon être qui est immatériel. C'est pas le produit d'une évolution, d'une sophistication de la matière. La matière ne peut pas produire quelque chose qui est supérieur à elle-même, c'est-à-dire la conscience. Donc, quand je meurs, eh bien, mon âme qui est faite pour animer un corps, elle est séparée de ce corps. Ce qui les unit est tellement intime et profond. Notre âme, ce n'est pas quelque part au fond, très fond de mon être. Elle est jusqu'au bout de mes cheveux, de mes orteils, de mon cerveau, de mon cœur, de mon intelligence, elle est partout. Elle est la vie qui m'anime. Elle est faite pour habiter un corps. C'est pourquoi la mort est un déchirement, un scandale. Et c'est pourquoi ça nous révolte, ça nous angoisse, la mort. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour mourir. Comment ça se fait alors qu'on meurt? Tout simplement parce que le péché est entré dans le monde. J'explique ça aux jeunes, je dis, c'est un peu comme si ton ordinateur portable, tu es tanné de le brancher dans le mur, ben tu le débranches, puis tu travailles un certain nombre de temps, puis à un moment donné, il est mort. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rebrancher pour le recharger. Mais le péché originel, c'est Adam et Ève qui ont décidé de se débrancher de Dieu. Ça marche un certain temps, puis tout d'un coup, tu es mort. Parce que tu as quitté la source de la vie éternelle, de celui qui t'a créé, qui t'a donné une âme. Alors, si tu ne te rebranches pas, ben tu es mort pour toujours. C'est fini. C'est fini d'une mort qui n'est pas la fin, ce n'est pas le néant, mais c'est l'enfer, la séparation de Dieu pour toujours. Parce que comme ton âme, elle n'est pas matérielle, elle dure toujours. Socrate existe toujours à quelque part. César aussi. J'espère qu'ils sont du bon côté. Alors, le Christ est venu dans ce monde pour nous rebrancher sur la vie éternelle. Comment il a fait ça, mystérieusement? En expérimentant pour lui-même la mort. Il a pris sur lui notre péché, ce qui nous a débranchés. Il a comme payé la dette de notre péché, et c'est ce qui permet de nous reconnecter à Dieu. Et comment cela se fait-il pour nous, tout simplement, quand nous sommes plongés dans l'eau du baptême? C'est pourquoi on baptisait dans l'Antiquité dans une source courante, pour montrer qu'on retrouvait la source de la vie, et que nos péchés étaient lavés, emportés. « When Jesus washed my sins away ». Et la source, elle est comme réinstallée dans mon âme. J'ai la vie éternelle parce que le Christ est mort pour mes péchés afin que je revive. Et l'Esprit Saint vient témoigner à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, dit Saint Paul. Je me rappelle d'un jeune qui est venu ici entraîné par un de ses amis. Puis à la fin de la messe, son ami lui a montré le chemin du confessionnal. Il n'avait pas trop envie, mais il est allé. Je ne sais pas pourquoi il est allé d'ailleurs. Et là, le confessionnal, il est comme descendu dans un tombeau. Il a dit tous ses péchés. Il est sorti de là ressuscité. Une vie transformée. D'ailleurs, en fin de semaine, je l'ai vu prêcher à d'autres jeunes. Ça fait à peine un an qu'il est converti. Déjà, il annonce l'Évangile aux autres. Parce qu'il est ressuscité. Parce que cette vie nouvelle, qui sera notre vie éternelle, elle est déjà répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons comme un pied dans l'éternité, par la grâce. Ce qui fait que l'espérance chrétienne, ce n'est pas un espoir que un jour ça va être beau de l'autre bord, j'espère. Non, c'est beau parce que c'est déjà beau dans ton cœur. C'est une espérance, c'est déjà commencé. Saint Paul dit, tu as reçu les arts, le premier versement de la vie éternelle. Comme on achète une maison, on commence par mettre 10% de la somme. Mais là, c'est l'inverse, c'est Dieu qui nous rachète, puis il nous donne 10% de la vie éternelle. Pour te dire, continue, augmente la grâce en toi. Et quand tu mourras, ton âme ne mourra pas d'une séparation avec Dieu. Comme dit saint Augustin, il y a deux sortes de morts. Il y a quand l'âme sort du corps et quand la foi sort de l'âme. Parce que la foi, c'est la vie de l'âme. C'est ce qui permet à Dieu de vivre, de mettre la vie éternelle dans mon âme, la vie de la grâce. Donc, si mon âme respire Dieu maintenant, elle n'arrêtera pas de respirer quand mon corps arrêtera de respirer. Puisque je respire déjà l'air du ciel, j'ai l'oxygène du paradis. Je vis déjà dans la communion de tous les saints. Et l'Eucharistie, chaque dimanche, vient augmenter cette vie éternelle en nous. Jésus le dit très clairement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il ne dit pas « aura la vie éternelle », il dit « a la vie éternelle et je le ressusciterai ». Mais qu'est-ce que c'est la résurrection? D'abord, qui ressuscitera? Alors on pense que c'est juste les amis de Jésus, mais en fait, tout le monde va ressusciter. Quand est-ce qu'on va ressusciter? À la fin des temps. Autrement dit, les défunts qui nous ont quittés, même les saints qui sont, nous le croyons, au paradis, ne sont pas au paradis avec leur corps maintenant. Ils ont la vie pleinement bienheureuse, mais leur corps est enterré quelque part, il n'est pas ressuscité. De même pour ceux qui sont en enfer, ils vont retrouver leur corps pour l'enfer. Parce qu'à la fin des temps, quand le Christ viendra dans sa gloire, eh bien, les uns ressusciteront pour la damnation et d'autres pour la félicité éternelle. Mais comment est-ce qu'on ressuscite? C'est une question que les chrétiens se sont posées dès les débuts de l'histoire de l'Église. Le Christ lui-même est ressuscité, mais lui, il n'a pas attendu la fin des temps, il est ressuscité tout de suite avec son corps. Jésus emploie une image que Paul reprend. Il dit, c'est comme le grain de blé qui tombe en terre, il meurt, se décompose, et quand il germe, il y a 30, 50, 100 fois lui-même. Parce que vous savez qu'un grain de blé, ça donne un épi avec jusqu'à 100 grains de blé dans l'épi. Jésus nous montre que la mort en lui n'est pas un anéantissement, mais une transformation. Puis saint Paul dit, tu sais bien, pour que le grain germe, il doit d'abord mourir. Autrement dit, on ne peut pas ressusciter directement. On doit passer par la mort, qui est une transformation. Mais encore une fois, ce n'est pas juste la transformation quand je vais aller au cimetière avec mon corps. Cette transformation, elle a commencé le jour de ton baptême parce que tu as été enseveli avec le Christ. L'être pécheur est mort ce jour-là. Déjà, il se décompose parce qu'un autre est né. C'est une création nouvelle. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par son Fils. Alors, comment on ressuscite? Eh bien, ce corps que nous avons, ce corps humain, n'est que le germe, la semence de notre corps glorieux. C'est beau. Ça veut dire qu'il y a une continuité et un changement radical. Exactement comme entre le grain et la plante, il y a une continuité, mais une transformation. Mais cette transformation, elle est 30-50, ce n'est pas un plus quantitatif, c'est un plus qualitatif. C'est-à-dire que notre mort au péché nous fait entrer dans la plénitude de la vie divine. Nous allons recevoir en héritage l'immortalité, la jouissance de la beauté, de la bonté de Dieu. Nous allons nous aimer les uns les autres pour toujours avec tous les saints du ciel et tous les anges. Donc, c'est cela que l'Évangile nous donne comme espérance. Et cette mort dans le Christ, elle a opéré un renversement assez étonnant. On voit ça chez les saints, c'est que non seulement un chrétien qui vit pleinement son baptême n'a pas peur de la mort, bien sûr, il peut ressentir l'angoisse au moment de mourir, comme tout le monde. Le Christ lui-même a été angoissé devant sa mort. Mais d'une certaine manière, il va désirer cette mort. Saint Paul a cette phrase incroyable, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. » Parce que quand la vie de la grâce grandit en nous, quand la vie de l'Esprit se déploie, nous pressentons toutes les splendeurs de la vie éternelle. Nous sentons intimement, Dieu nous le fait goûter, que l'autre vie sera infiniment meilleure. C'est pourquoi Saint Ignace d'Antioche, qui partait à Rome pour se faire manger par les bêtes, écrivait aux autres chrétiens, « Je vous en supplie, si vous m'aimez, ne m'empêchez pas de me faire dévorer par les bêtes. Si vous m'haïssez, gardez-moi en vie. » Et il disait, « Je sens au fond de moi une eau qui murmure, viens vers le Père. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit cette phrase extraordinaire, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Le grain de blé, s'il reste seul, il meurt. Mais s'il tombe en terre, il porte beaucoup de fruits. Donc voyez cet incroyable renversement que le Christ a opéré. Non seulement il nous console de la mort inévitable, mais il la transforme en un passage vers une vie supérieure qu'il nous a méritée par sa mort, par son sacrifice. Il a payé le prix de notre voyage. Le billet d'avion est déjà payé par son sang. Et nous allons encore une fois l'avant-goût, un apéritif par la vie de l'Esprit, par la vie eucharistique, par la vie de l'Église. Ensemble, nous allons dire notre foi dans cette résurrection des morts et cette vie éternelle. Et ensuite, nous aurons la petite liturgie de la lumière.